fait sur la place. 987 Tahiti, écoute ça. Ok, moi Nas sur le mic. Je rappe pour ma clique. On déplace les bras dans la clé que je te nique. Si tu parles mal dans mon dos, un cercle vicieux qui te monte au cerveau. J'ai deux races dans le sang, Maori et ce franc. Je suis de Haroué, alors sois sincère et franc. J'ai des potes qui aiment se balader dans la rue. J'ai des potes qui écoutent du rap, c'est leur style. Regarde la base, comment la basse pète. Boum boum, fais du bruit pour que tes oreilles se pètent. Je mets le son à fond, éclate les bas-fonds. 987 gang, Tahiti a pas de bouffon. Dédicace à la police qui nous chasse de nos spots. Viens pas faire le paradoxe, je te rase avec mes potes. C'est la DSP, je n'ai pas de respect. Quand ils passent devant nous, on les traite de t'aspect. N'oublie pas Brad, indigène, Tefa Aroa, NIC, Moana, on s'en fout, c'est toi qui vois. C'est du rap polynésien, dédicace aux Tahitiens. Allez viens, on y va sur la séquence, mais bien. 987, Tahiti sur la place. 987, ma clique se déplace. 987, on est chaud sur le ring. 987, on va baisser ton string. Yo, 987, Tahiti sur la place. 987, ma clique se déplace. 987, on est chaud sur le ring. 987, on va baisser ton string. Je te rends ding ding ding. Quand je fume la hit, Tahiti, tu peux pas descendre. Viens nous sucer la piste. Wow. Ça paina la hinano, ça trip, ça bouge, ça shoot l'anneau. J'suis local dans mes textes, une bête dans le sexe. Dis pas tout l'inverse, NIC il te renverse. Une de high qui percute sur l'arcade. Ça te casse l'hôpital et tu peux pas test blad. Je rappe pour mes potes, j'suis pas une starlette. Tu vas vite me reconnaître, j'ai une clé à molette dans la noche. Oh les collègues, on allume le bouse. Y'a des fesses là, oui, tu penses à la douze. Non, aïda, chalala, d'abord j'ai si tu veux, tu l'emmènes faire un tour en engin. Mais là on trip, pareil, oui tu restes avec nous. Je fais péter le son pour que tu deviennes fou. Et je trippe jusqu'à ce que l'aube s'approche. Tes fesses je les bouffe, les fais cuire à la poche. Dans ta caisse, même si on va à l'endroit. Je trippe sur le pont, ne dis pas j'ai pas le droit. Alors quoi, c'est fou, y'a pas de place pour toi. Si tu vois les gyrophares, lève bien ton doigt. 987, Tahiti sur la place. 987, ma clique se déplace. 987, on est chaud sur le ring. 987, on va baisser ton string. Yo, 987, Tahiti sur la place. 987, ma clique se déplace. 987, on est chaud sur le ring. 987, on va baisser ton string. Hey yo, NIC sur le mic. Haroué mon secteur. 987, mon île. Tahiti, ouais. Dédicace à tous ceux qui trippent. Kim Fall, Angua, Tiperoué et tout le reste.